Ramassant secret ma vie à son mystère, un amour éternel, un moment conçu. Le mal est sans espoir aussi, j'ai dû le taire. Et celle qui l'a fait ne l'a jamais rien su. Et là, j'aurais passé près d'elle inaperçu, toujours à ses côtés, pourtant solitaire. Et j'aurais jusqu'au bout fait mon temps sur la terre, n'osant rien demander, et rien n'a rien reçu. Pour elle, quoi que Dieu n'ait fait de douce et tendre, elle ira son chemin discrète et sans attendre. Ce murmure d'amour élevé sur ses pas, à l'obtère de voir pieusement fidèle. Elle dira l'insensé vers tout rapide, quelle est donc cette femme, elle ne comprendra pas. Elle dira l'insensé vers tout rapide, quelle est donc cette femme, elle ne comprendra pas.